Chapitre 27e, la mâchoire infernale. Ces paroles, dites par cet homme sur un tel ton doucereux, dans de pareilles circonstances, prenaient un caractère solennel et donnaient à cette scène, en vérité très simple par elle-même, une grandeur tragique. Paulin Broquet se retira peu après. Les pressentiments du général l'avaient, bien qu'il fût, ou qu'il se prétendît, sceptique, fortement ému. Le général, dit-il à Gabriel, après avoir vu des fantômes un peu partout, après avoir vu sa tête de mort, comme elle sera dans 3 jours, a fini par imaginer que tout cela est réel, et il se prépare à mourir, à justifier les impressions de la croisée. Le pauvre homme doit être très malheureux, oui, mais nous allons lui démontrer une fois encore que ses craintes sont sans raison. Il est temps, encore. Nous allons tenter aujourd'hui même, à l'instant, le coup. Paulin Broquet alla à son téléphone, il sonna, appela. « C'est toi, l'amorce ? Bon, pars. Oui, tu surveilleras le boulevard de Port-Royal, tu connais la consigne. Fais-toi bien voir, tout en ayant l'air de te cacher. Il faut qu'en te reconnaissant, il croie avoir été très malin. Oui, bien entendu, Simon, ma pipe, tous, allez, mes garçons. » Peu après, Paulin Broquet et Gabriel, habillés en apaches de dernier ordre, suivis de leurs 14 qui ne payaient pas mieux de mine, gagnaient l'antre du père Fricard dans la rue Jonas. Ils pénétraient dans la baleine où déjà quelques broquets se tenaient aux aguets mêlés aux pires clients du bouge. Paulin Broquet passa dans le couloir des patates. Le salon dans lequel se trouvait la trappe qui donnait accès à la barbotière était vide. « Bizarre cela, » fit Paulin Broquet. « Pourquoi ne gardent-ils pas mieux leur repère ?»« Peut-être, chef, les avons-nous surpris. Ils ne s'attendent pas à nous voir arriver en plein jour. Ou bien ils nous laissent passer pour mieux nous tenir, une fois en bas. Enfin, nous verrons bien. » Paulin Broquet passa le premier par la trappe. Gabriel le suivit, portant dans ses bras son pauvre 14, qui n'eût pu descendre l'escalier de pierre. Les hommes de la brigade du détective aussitôt vinrent occuper le salon éveillé sur la trappe, empêcher que l'on en approchât. Ainsi, on ne pouvait couper la retraite à Paulin Broquet ou l'attraper par derrière. Gabriel avait, lui, vu juste, en disant que probablement les zigomards ne s'attendraient pas à cette venue si prompte du détective. Ils ne se doutèrent pas de sa présence dans le souterrain et laissèrent passer sans y attacher une grande importance. Paulin Broquet, Gabriel et leur chien galeux par la fourgue. Ils les prirent pour des cheminots. Paulin Broquet et son lieutenant purent donc sans encombre arriver au premier mur fermant le souterrain. « Là, dit le détective, va commencer le rôle de ce brave 14. » La bonne bête, fière sans aucun doute de la mission qu'on lui confiait, tenant à payer les bonnes pâtées dont Gabriel l'avait régalé, allait allègrement, nez au vent, remuant la queue bravement. Il éclairait la route, courait dans les couloirs latéraux, allait voir si rien de suspect ne s'y trouvait, puis revenait à son ami Gabriel. Devant le mur, il se mit à gratter. « Il a trouvé la porte du premier coup, » dit Paulin Broquet. « Oui, c'est une bonne bête. J'espère que nous le garderons. » Paulin Broquet ouvrit la porte de briques, comme nous le lui avons déjà vu faire. Il s'engagea dans le petit couloir qu'il allait franchir pour arriver à la porte de la cave. Mais alors il tenait 14 en laisse. Comme la porte précédente, il ouvrit celle-ci. Tout d'abord avec sa lampe électrique, il inspecta les êtres. Il faut le dire, Paulin Broquet, dont la vue, nous le savons, était merveilleuse, ne put rien voir, ne se douta de rien. Le turat était admirablement construit, merveilleusement machiné. Alors Paulin Broquet enleva la laisse du collier de 14, et lui dit de passer dans la cave, d'en faire le tour et de voir derrière le monticule de débarras. 14 obéit, comme tout bon chien, il lécha une dernière fois la main de son ami Gabriel, et il sauta d'un bond par la petite porte donnant sur la cave. Alors ce fut terrible, épouvantable, odieux. Il y eut un cliquetis de déclic, puis le bruit mat que ferait une mâchoire de monstre se fermant brusquement. Enfin retentit un cri formidable, qui emplit la cave, qui roula dans le souterrain, qui monta dans l'escalier, dans toute la maison, un cri de douleur, un cri humain, une plainte pleine de souffrance, de reproches, de pardon. Et ce fut de nouveau le silence. L'effroyable silence par lequel tout espoir est dévoré, l'épouvantable silence qui donne la certitude de la fin. Le silence plus grand, plus horrible après le cri, le silence qui prouve la mort. Paulin Broquet et Gabriel, fortement émus, se regardèrent. Puis, le détective, se ressaisissant, dit à son lieutenant « Voilà ce qui nous attendait. » Gabriel inclina la tête, résigné. Il eut un geste de pitié pour son chien. « Pauvre 14, » dit-il. Paulin Broquet reprit. « Nous n'avons ni l'un ni l'autre vu le piège. »« Non, chef. » »« Donc, nous y serions tombés fatalement. » »« Mais je veux me rendre compte, voir par moi-même, comment est morte cette pauvre bête. » Paulin Broquet s'avança vers la petite porte qui donnait accès dans la cave, mais Gabriel l'arrêta. « Non, chef, n'entrez pas. »« Pourquoi ?»« Il n'y a peut-être pas qu'un piège. Ces gens savent que nous sommes deux à venir dans la cave. Ce piège doit certainement être double. » Très calme, Paulin Broquet répondit. « Je suis prévenu. C'est à moi de me garantir. J'ai envoyé à la mort 14 qui ne pouvait rien prévoir. Pour acquérir cette certitude, je dois passer. » Quand ce ne serait que pour ne pas leur laisser le corps de cette pauvre bête galeuse, mais héroïque.